Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Grand-moment. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin. De 7h à 9h, Kimbo pour vous accompagner pour le son qui vous va bien sur votre radio RPL, en écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise, sur le DAB, la radio numérique, ou encore en écoute directe sur le site. On remercie Tonton J qui vient de terminer son émission Back to the House, il reviendra samedi prochain dès 6h. Nous sommes partis pour une éclate de 2 heures de musique électronique. Donc on va commencer par un peu d'ambiance progressive, de la tech house, et on sera beaucoup plus calme dans la deuxième heure, on va inverser pour une fois. Donc si t'es au boulot, je te souhaite bon courage, et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique.

RPL Radio. Club Drafter du samedi matin.

que te duele. Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Eso es, bien cantado. We'll be right back. les replays sur le www.frequenceclub.com. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. We'll be right back. and be happy. Première heure de Fréquence Club s'achève, j'espère qu'elle vous aura été très agréable. Restez calés, on va enchaîner avec une deuxième heure. we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream. Jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.